Bonjour, je cherche la rubrique d'Amy Bonaparte. On m'a dit que c'était ici. Ah non, ici c'est la météo. Ah bah, excusez-moi, bah on m'avait mal renseigné. Bon bah, désolé, au revoir. D'accord.